السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى a dit dans son noble livre: فاعلم أنه لا إله إلا الله. Sache donc qu'en vérité, il n'y a aucun Dieu méritant réellement l'adoration à part Allah. Et il a dit Jalla wa Ala: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Dis, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'étude de la science est une obligation pour chaque musulman. L'étude de la science est donc une obligation pour le musulman, et elle comporte d'énormes mérites. Et d'autant plus la science de la croyance, car c'est la base et la plus importante des sciences religieuses. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah, a dit: la meilleure des sciences est la connaissance d'Allah, qui n'est autre que la connaissance de ses noms, de ses attributs et de ses actes, qui implique chez celui qui la possède la connaissance d'Allah, sa crainte, son amour, sa glorification, le fait de se consacrer totalement à lui, de placer sa confiance en lui, de patienter, d'être satisfait de lui et d'être préoccupé par lui en dehors de tout autre. Et le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a dit: la science du tawahid est la plus honorable des sciences, la plus importante et celle dont l'obligation d'étudier est la plus importante. Et ce, car c'est la connaissance d'Allah, de ses noms, de ses attributs et de ses droits sur ses serviteurs. Et également, car c'est la clé du cheminement vers Allah et la base de ses législations. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'ensemble des prophètes y ont appelé. Et s'il en est ainsi, alors il est obligatoire à chaque musulman de donner de l'importance à son étude, à sa méditation et à y croire avec conviction. Et ce, afin de fonder sa religion sur des bases solides. L'étude de la croyance authentique est donc une chose essentielle pour les croyants. Et c'est une obligation pour chaque musulman et musulmane. Dans ce cours, nous allons donc étudier, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, un livre résumé sur la croyance authentique écrit par un prédécesseur de cette communauté, qui n'est autre que l'imam Ismail ibn Yahya al-Muzani, le célèbre élève de l'imam al-Shafi'i rahimahumallah. Cet imam, qui naquit à la fin du deuxième siècle de l'Égir, est un grand imam parmi les plus prédécesseurs de cette communauté. Il est notamment connu pour avoir propagé le madhhab de son shir, l'imam al-Shafi'i rahimahullah, à travers ses écrits et notamment son célèbre livre Mukhtasar al-Muzani. Il eut également, rahimahullah, de nombreux élèves, tels que l'imam Ibn Khuzayma, l'imam al-Tahawi et d'autres, rahimahumullah jami'a. Et le livre que nous allons étudier de cet imam, incha'Allah, se nomme Sharh al-Sunnah, donc l'explication de la sunna ou des fondements de la sunna. En effet, les pieux prédécesseurs avaient pour habitude de nommer leur livre sur la croyance as-sunna ou bien sharh as-sunna, comme as-sunna de l'imam Ahmed par exemple, as-sunna lil-Khallal, as-sunna d'Ibn Abi Asim, usul as-sunna lil-Humaydi et autres. Et pour l'étude de ce livre, nous baserons principalement, bi-idhnillahi ta'ala, sur le commentaire du noble shir Ubayd al-Jabiri, hafizahullah. Donc l'auteur, rahimahullah, a dit: Bismillahirrahmanirrahim, asamanallahu wa iyyakum bit-taqwa, waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda, amma ba'd, fa'innaka sa'altani an uwaddiha laka min as-sunnati amran, تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. Il a dit, rahimahullah, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qu'Allah nous préserve ainsi que vous de par sa crainte, et qu'il nous accorde ainsi qu'à vous l'acceptation de la voie authentique. Ceci dit, tu m'as demandé de t'apporter un éclaircissement au sujet de la sunna qui t'aidera à patienter pour t'accrocher à celle-ci, et qui repoussera de toi les ambiguïtés des mauvais propos et la déviance des innovations des égarés. Je t'ai donc expliqué une voie pour t'éclairer, et ce, en faisant au mieux pour aboutir au conseil de ma propre personne ainsi que de la tienne. J'ai donc commencé par louer Allah, celui qui accorde la droiture et la rectitude. Louange à Allah, celui qui est le plus en droit d'être mentionné et qui mérite le plus d'être remercié. Je lui fais à lui seul les éloges, l'unique, le seul à être imploré, qui n'a ni compagne ni enfant. Il n'a aucun ego et personne ne lui ressemble. L'audient, l'omniscient, le très savant, qui a la science de toutes choses, celui qui empêche et qui élève. Donc l'auteur, rahimahullah, a commencé son livre par la basmala, c'est-à-dire Bismillahirrahmanirrahim, en suivant dans cela l'exemple du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce, car l'ensemble des sourates du Coran commencent par la basmala, mis à part sourate al-Tawba. Et il a également suivi en cela l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui commençait les lettres qu'il envoyait par la basmala, comme cela est rapporté dans les deux recueils authentiques lorsqu'il envoyait une lettre au roi des Romains et qu'il commença cette lettre par la basmala. Et certes, les savants sont unanimes sur le fait qu'il est recommandé de commencer les livres de science par la basmala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a fait des invocations pour le questionneur qui l'a interrogé et qui fit la cause de l'écriture de ce livre. Et ceci prouve la grande sagesse et la grande douceur des gens de science qui souhaitent le bien pour les gens et font tout leur possible pour les orienter sur le droit chemin. Ainsi, nous voyons que la cause de l'écriture de ce livre est une question qui a été envoyée à l'auteur, rahimahullah. Et ceci nous démontre la voie suivie par les gens de la sunna et par les vertueux depuis l'époque des compagnons et des pieux prédécesseurs, et ce jusqu'à nos jours. Et cette voie consiste à interroger les grands savants parmi les gens de science lorsqu'un problème survient ou qu'une épreuve touche la communauté. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Quand leur parvient une nouvelle, rassurante ou alarmante, ils la diffusent. Mais s'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui ont les compétences de tirer des jugements en auraient eu connaissance. Et si ce n'était la grâce d'Allah sur vous, vous aurez suivi le diable à part quelques-uns. Puis après cela, l'auteur, rahimahullah, a commencé en faisant les louanges à Allah, subhanahu wa ta'ala. En suivant dans cela l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui commençait ses prêches et ses exhortations par les louanges d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il a dit rahimahullah: Alin ala arshi wa huwa danin bi ilmihi min khalqi ahata ilmuhu bil umur wa anfadha fi khalqihi sabiq al maqdur ya'lamu kha'inat al a'yun wa ma tukhfi al sudur. Il a dit rahimahullah: Allah est élevé au-dessus de son trône et il est proche de ses créatures de par sa science. Sa science a englobé toute chose et il fait avec sa création ce qu'il a prédestiné. Il connaît la trahison des yeux tout comme ce que les poitrines cachent. Dans ce passage, l'auteur rahimahullah a mentionné certains points qui sont des fondements chez les gens de la sunna et sur lesquels il y a l'unanimité des gens de la sunna et du groupe. Et ce, depuis l'époque des pieux prédécesseurs. Mais ce sont également des points sur lesquels les gens de la sunna sont en désaccord avec les gens de l'innovation. Donc le premier point est le fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est élevé au-dessus de son trône et au-dessus de l'ensemble de ses créatures. Et les preuves dans le livre et la sunna sont très nombreuses à ce sujet. Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit: Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Et l'établissement d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sur le trône a été mentionné dans sept passages du Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah termina la création, il écrivit auprès de lui au-dessus du trône, ma miséricorde a devancé ma colère, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira radiallahu anhu. Les gens de la Sunna affirment donc et attestent de l'établissement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son trône et du fait qu'il est élevé au-dessus de l'ensemble de ses créatures, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a lui-même informé ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de la Sunna attestent donc de cela sans aucune négation, sans en altérer le sens, sans faire de ressemblance avec ces créatures et sans chercher à savoir le comment. Et ceci est la voie des gens de la Sunna pour l'ensemble des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est d'ailleurs rapporté de manière authentique que l'imam Malik ibn Anas rahimahullah a dit, lorsqu'il fit interroger sur l'istiwa, comment Allah s'est-il établi sur son trône? Il a répondu, rahimahullah, l'istiwa est connu, c'est-à-dire son sens est connu dans la langue arabe, et c'est le fait de s'établir et de s'élever. Son comment est inconnu, c'est-à-dire que nous n'avons pas connaissance de comment Allah, subhanahu wa ta'ala, s'est établi sur son trône, et ce, car nous ne l'avons pas vu, et ni Allah, ni son messager ne nous ont informés sur cela. Puis il a dit, croire en cela est une obligation, et ce, car Allah l'a affirmé dans son noble livre. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a affirmé dans sa sunna. Puis il a dit, et le fait d'interroger à ce sujet est une innovation. Et ce, car les nobles compagnons, radiyallahu anhum, n'ont pas interrogé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet. Parmi les fondements des gens de la sunna, donc, le fait de croire en l'établissement d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur son trône, ainsi qu'à l'ensemble des noms et attributs qui ont été mentionnés dans le livre et dans la sunna authentique. Ensuite, le deuxième point qui a été mentionné dans ce passage est le fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est proche de ses créatures de par sa science, et que sa science englobe toute chose. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, est établi sur son trône au-dessus de l'ensemble de ses créatures, et avec cela, il est proche de ses créatures de par sa science. Il a la science de toute chose, sa science a englobé toute chose, et rien ne peut lui échapper. Il a dit, tabaraka wa ta'ala, هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Il est avec vous où que vous soyez, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, est proche de ses créatures de par sa science, et sa science a englobé toute chose, tabaraka wa ta'ala. Puis il a dit, rahimahullah, فَالْخَلْقُ عَامِلُونَ بِسَابِقِ عِلْمِهِ نافذون لما خلقهم له من خير وشر لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. Il a dit, rahimahullah, les créatures œuvrent selon sa science qui a précédé. Ils accomplissent ce pourquoi il les a créés, comme bien et comme mal. Ils ne détiennent aucun bien pour leur personne et n'ont pas la capacité de repousser d'elles les désobéissances. Dans ce passage, ainsi que la fin du passage précédent, l'auteur, rahimahullah, a mentionné la question du destin et de la prédestination. Et certes, le fait de croire au destin, bon ou mauvais, est un pilier parmi les 6 piliers de la foi mentionnés dans le hadith de Jibril, alayhi salam. Lorsqu'il interrogea le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de la foi, il lui a répondu « Que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin bon ou mauvais. » Et la croyance à la prédestination comporte 4 piliers. Le premier est le fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, sait depuis toujours ce qui va se passer. Sa science a englobé toute chose, apparente ou cachée, et rien ne peut lui échapper. Comme il a dit, Subhanahu wa ta'ala, Wasi'a Rabbi kulla shay'in ilma. Mon Seigneur embrasse tout dans sa science. Allah, Subhanahu wa ta'ala, a donc la science de toutes choses, et il sait ce que les créatures vont accomplir comme œuvre avant qu'il ne les accomplisse. Ensuite, le deuxième pilier ou le deuxième degré de la foi au destin est le fait qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, écrivit tout ce qui va se passer dans Al-Lawh al-Mahfouz. Comme il a dit, subhanahu wa ta'ala, wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Et tout ce qu'ils ont fait est mentionné dans les registres, et tout fait, petit ou grand, est consigné. Et il est rapporté de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a écrit la prédestination des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, rapporté par Muslim. Ensuite, le troisième pilier de la croyance au destin est le fait de croire que tout ce qui arrive arrive par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit Jalla wa ala, لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, le Seigneur de l'univers. Tout ce qui est dans l'univers appartient donc à Allah, subhanahu wa ta'ala, et certes, il ne peut arriver dans son royaume que ce qu'il a voulu. Ensuite, le quatrième pilier de la foi au destin est le fait de croire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé toutes choses. Donc toutes les créatures ont été créées par Allah tabaraka wa ta'ala. Comme il a dit Jalla wa ala, Allahu khaliqu kulli shay. Allah a créé toutes choses. Donc voici pour ce qui est des quatre piliers de la foi au destin mentionnés de manière résumée. Ainsi, tout ce qui arrive dans cet univers a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, a prédestiné les œuvres des serviteurs. Mais malgré cela, il leur a accordé une volonté et il leur a ordonné de lui obéir et leur a interdit de lui désobéir. Il est donc obligatoire aux serviteurs d'obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, et de s'écarter des désobéissances. Et il leur a accordé la volonté dans cela. Et certes, leur volonté suit la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et rien ne peut arriver sans la volonté d'Allah, Jalla wa Ala. Comme il a dit, Tabaraka wa Ta'ala, Liman sha'a minkum an yastaqim, wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu Rabbul Alamin. Pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, le Seigneur de l'univers. Ensuite, l'auteur a dit, Rahimahullah, Khalaqa al-khalqa bimashi'ati. عن غير حاجة كانت به وخلق الملائكة جميعا لطاعتي وجبلهم على عبادتي فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون وطائفة منهم حول عرشه يسبحون وآخرون بحمده يقدسون واصطفى منهم رسلا إلى رسلي وبعض مدبرون لأمره. إلى دي رحمه الله. Il a créé la création de par sa volonté sans en avoir aucun besoin. Et il a créé tous les anges pour son obéissance et les a prédisposés à son adoration. Certains d'entre eux portent le trône de par sa capacité. Certains d'entre eux le glorifient autour du trône et d'autres le vénèrent. Il a également choisi parmi eux des messagers vers ses messagers et d'autres pour effectuer ses ordres. Dans ce passage, l'auteur, rahimahullah, a mentionné la question des anges. Et le fait de croire aux anges est également un des six piliers de la foi mentionné dans le hadith de Jibril, alayhi salam. Les anges sont donc des créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il a créées de lumière pour son adoration et son obéissance. Comme il a dit, Jalla wa ala, Ya ayyuhalladhina amanu, qu'u anfusakum wa ahlikum nara, wa qudahannas wal hijara, عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges, rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur a ordonné. Et il a dit, Jalla wa'ala, ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Ceux qui sont auprès de lui ne se considèrent point trop grands pour l'adorer et ne s'en lassent pas. Ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent point. Les anges adorent donc Allah subhanahu wa ta'ala à longueur de temps sans jamais s'arrêter et sans jamais lui désobéir. Certains d'entre eux sont chargés de faire parvenir la révélation à ses messagers, d'autres sont chargés de porter le trône, certains sont chargés de la descente de la pluie, etc. Il est donc obligatoire aux musulmans de croire aux anges et de croire en ce qui a été rapporté dans le livre et la sunna les concernant comme attributs et comme œuvres qu'ils accomplissent, et également en tout ce qui a été rapporté à leur sujet. Ensuite, l'auteur a dit, rahimahullah, ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه مذهبا. Il a dit, rahimahullah, ensuite il créa Adam avec sa main et le fit habiter dans son paradis. Mais avant cela, il l'a créé pour être sur terre et lui a interdit de manger d'un arbre. D'un arbre dont il avait prédestiné qu'il en mangerait. Puis il l'a éprouvé par ce quoi il l'a interdit. Ensuite, il a fait prédominer son ennemi sur lui, qui l'a enjolé vers celui-ci, et il a fait du fait d'en avoir mangé une cause pour descendre sur terre. Il ne pouvait donc pas échapper au fait d'en manger. Dans ce passage, l'auteur, rahimahullah, a mentionné l'histoire de notre père Adam alayhi salam de manière résumée. Et il a commencé par mentionner l'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait en le créant de sa propre main. Comme il a dit, Jalla wa ala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains. Et les gens de la sunna utilisent ce verset et autres pour affirmer l'attribut des deux mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et leur voix dans cela, comme mentionné précédemment, et d'affirmer les attributs mentionnés dans le livre et la sunna selon leur sens apparent, sans les renier, sans les altérer de leur sens, sans faire de ressemblance avec les créatures et sans chercher à savoir le comment. Et cette voie est celle suivie par les gens de la sunna depuis l'époque des compagnons radiallahu anhum et ce jusqu'à nos jours. Puis il a mentionné, rahimahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait vivre Adam alayhi salam dans son paradis avant de le faire descendre sur terre à cause de l'arbre dont il a mangé alors qu'il lui avait interdit d'en manger. Et il a mentionné, rahimahullah, que c'est le diable qui l'a incité à faire ceci. Et certes, l'histoire de Adam alayhi salam a été mentionnée à plusieurs reprises dans le Coran, dans Sourate Al-Baqarah, dans Sourate Taha, dans Sourate Sad et autres. Allah subhanahu wa ta'ala a donc fait descendre Adam alayhi salam sur terre et a fait de celle-ci un lieu de passage pour lui et sa descendance, et ce pour d'innombrables sagesses. Ce passage sur terre est donc un test pour les serviteurs. C'est une discernation entre les bons et les mauvais parmi eux. C'est également un moyen d'accomplir des œuvres pour obtenir les plus hauts degrés du paradis. Et c'est aussi une cause pour que la joie de vivre au paradis soit encore plus forte et plus intense pour le croyant. Il y a encore de nombreuses autres sagesses dans cela. Parmi les points à tirer de cette histoire également, le fait que le diable est un ennemi déclaré pour l'homme et qu'il est obligatoire de prendre garde à sa ruse, à ses incitations et à ses insufflations. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna ash-shaytana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. » Le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Ensuite, l'auteur a dit, rahimahullah, « ثُمَّ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ أَهْلًا فَهُمْ بِأَعْمَالِهَا بِمَشِيئَتِهِ عَامِلُونَ وَخَلَقَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ لِلنَّارِ أَهْلًا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها فهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. Il a dit, rahimahullah, puis il créa pour le paradis des gens parmi sa descendance. Ils œuvrent donc avec les œuvres des gens du paradis de par sa permission. Et il a créé parmi sa descendance des gens pour le feu. Il a créé pour eux des yeux avec lesquels ils ne voient pas, des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas, et des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Ils sont donc voilés de la voie droite, et ils œuvrent avec les œuvres des gens du feu selon sa prédestination. Dans ce passage, l'auteur rahimahullah a mentionné qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé parmi la descendance de Adam alayhi salam des gens destinés au paradis et des gens destinés à l'enfer, et ce, de par sa science et sa sagesse parfaite, subhanahu wa ta'ala. Il a, de par sa miséricorde, facilité aux gens du paradis le fait d'œuvrer avec les œuvres des gens du paradis, et de par sa justice, prédestiné le feu de l'enfer aux mécréants qui refusent de suivre la voie droite et de répondre aux messagers. La vérité leur est donc voilée, comme il a dit Jalla wa Ala, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Allah subhanahu wa ta'ala a donc prédestiné toutes choses de par sa sagesse parfaite. Mais cela veut-il dire qu'il faut délaisser les œuvres, car tout est déjà écrit? Non, au contraire, il faut œuvrer, car celui qui a tout prédestiné est celui-même qui nous a ordonné de lui obéir et de suivre ses messagers. Il est rapporté de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas un seul d'entre vous sans que sa place en enfer ou au paradis ait été écrite. » Ils dirent « Ô messager d'Allah, ne devons-nous pas alors nous appuyer sur ce qui a été écrit et délaisser les œuvres ?» Il répondit sallallahu alayhi wa sallam « Plutôt œuvrez et chacun sera facilité vers ce pourquoi il a été créé. » Celui qui fait partie des bienheureux, les œuvres des bienheureux lui seront facilitées, et celui qui fait partie des malheureux, les œuvres des malheureux lui seront facilitées. Puis il récita فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Celui qui donne et craint et déclare véridique la plus belle des récompenses, les versets, rapportés par Al-Bukhari. Il convient donc de faire des efforts dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de ne pas s'appuyer simplement sur la prédestination. Ainsi se termine le premier cours sur l'explication concise de ce livre bénéfique, Sharh al-Sunna de l'imam al-Muzani, rahimahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le rende profitable et qu'il nous guide vers tout ce qu'il aime et qu'il agrée. Hadha, wallahu a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad.